je vais aller lui dire pardon. Mani, je suis vraiment désolé, j'aurais tellement envie de faire du saxophone. Du saxophone. Je suis. De la guitare. C'est quoi ça?